بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف donc on a terminé avec la muqaddima de l'imam Ibn Qudama. Donc là on rentre dans le vif du sujet concernant ce livre. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفة الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. Okay, il dit tout ce qui est venu dans le Coran ainsi que ce qui a été rapporté d'une manière authentique du prophète عليه الصلاة والسلام concernant les attributs du tout miséricordieux, on se doit d'y croire obligatoirement et d'accueillir ces informations par la soumission et l'acceptation. وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. Et on se doit de délaisser toute forme d'opposition à ces textes par le rad, le ta'wil, ou le tashbih, ou le tamthil. Et on va voir à la fin du cours qu'est-ce qu'on appelle un rad, qu'est-ce qu'on appelle un ta'wil, ou le tashbih, ou le tamthil. قال وما أشكل في ذلك وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. طيب. Et ce qui pose un problème, c'est-à-dire en ce qui concerne les noms et les attributs, ce qui nous pose un problème, on se doit de l'affirmer dans sa prononciation et de délaisser toute opposition à son sens. طيب. هذا الكلام من الإمام ابن القدامة انتقد عليه. Ça c'est une parole de l'imam ibn al-Qudama qui a été fortement critiquée par les savants de la Sunna. Dans ce livre-là, qui est un livre exceptionnel et qui est un livre salafi, sunni, malgré tout, il y a quand même certaines erreurs très importantes. Naam. Et si je me rappelle bien, elles sont au nombre de trois. Et ça, c'est la première. Ça, c'est la première des trois grandes erreurs que l'on va voir dans ce livre. Le fait qu'ils disent ce qu'ils posent, ce qui nous pose un problème dans les noms et les attributs, on l'affirme. On affirme sa prononciation et on délaisse toute opposition à son sens. Lui, quand il dit ça, il n'a pas de mauvaise intention. فيما نحسبه فهو إمام من أئمة أهل السنة ابن قدامة إمام من أئمة أهل السنة ابن قدامة c'est un imam parmi les imams de أهل السنة. Donc on pense de lui du bien et qu'il n'a pas dit cette parole là pour aider un quelconque madhab من مذاهب أهل البدع parmi les voies et les écoles des gens de l'innovation. Parce que lorsque tu dis que ce qui te pose un problème dans le kitab et la sunna, sur les noms et les attributs, du Coran et de la sunna, lorsque tu dis ça, que tu dois les affirmer, tu dois affirmer juste leur prononciation, ça sous-entend que leur sens n'est pas compris. Tu affirmes juste le mot, mais son sens, non, tu ne l'affirmes pas. تمام؟ وهل هذا صحيح؟ هل هناك أسكليا من القرآن إذن السنة؟ des textes dont le sens il n'est pas connu. ليس صحيح. هناك اختلاف. أخونا أبو سليمان يقول نعم، وأبو عبد الله يقول لا. طيب أنت تقول في هناك آيات ما نعرف معناها. استوى على العرش. لا لا لا كل لا نعرف معناه، لكن ها هناك كنا نمشي نوكل يبقى c'est un sens, mais j'espère que nous on connaît pas son sens, mais elle a quand même un sens. elle a quand même un sens. Tout ce qu'il y a dans le Coran, on sait ce que on sait. Allah nous a torsé, après al kafia dans certains versets, là voilà naïm عندنا دليل في سورة آل عمران. أيوة، إيش الدليل؟ الدليل وأخر متشابهة. متشابه لا يعلمهن إلا الله. ماجد مختصر. المتشابه في غمنا عن التكست. متشابه في غمنا عن التكست. طيب، لكن أنت يا حماد لا يعلمهن إلا الله والراسخون في العلم. تمام، حتى هذا ما يكون دليلا. طيب الآن faut bien vous compreniez c'est pourquoi les savants ils ont critiqué cette parole là, bien que l'imam lui il n'a pas voulu dire que dans le Coran il y a des noms et des attributs ou il y a des textes dont le sens n'est pas compris ou dans le voilà le, dans le sens n'est pas compris de tout un. T'as vu le verset dont il est venu avec? Ouais. Si quelqu'un te vient avec toi, avec ça, il te dit certains versets du Coran, maintenant à la main, le sens. Qu'est-ce que tu dis? T'as vu le rôle? Aslan ma kamal tal aya. La ya'lamuhunna illa Allah, wa rasikhuna fil ilm. Fahamt? Fala budda min. يعني الآن تثبت أن العلم عند الله وعند الراسخون، عند الراسخين في العلم، فالعلماء يعرفون. تمام، وإن لم يكن جل يعني كلهم فبقي أناس منهم يعرفون. تمام، فهناك فوسشيك القرآن كله محكم. القرآن tout entier واضح جلي، وفي نفس الوقت كله متشابه. Et dans le même temps tout le Coran il est متشابه. متشابه بمعنى يتشابه أو تتشابه الآيات بعضها عن بعض. متشابه c'est-à-dire ils se ressemblent. Les versets du Coran tous autant qu'ils sont, ils se ressemblent. فهذا خبر وهذا خبر وهذا النهي وهذا النهي وهذا الجنة وهذه الجنة وهكذا. تمام، donc le Coran il est كله محكم وكله متشابه، كتابا متشابها. أيوة، كتابا متشابها. الله سبحانه وتعالى يقول كذلك il est محكم في بعض الجزئيات ومتشابه في بعض الجزئيات. تمام، et vous allez trouver dans un même temps clair et limpide dans une certaine partie et يعني moins clair et ambigu dans une certaine autre partie. تمام، là les savants, ils sont tous unanimes, les savants de la Sunna, pour dire que si vous trouvez un texte ambigu dans le Coran, c'est impossible que son ambiguïté, aucun des savants de la terre ne connaisse son sens. Ça peut arriver qu'il y ait des savants qui ne connaissent pas le sens. Ça peut arriver. Non. Mais que ça soit que son sens il soit caché à l'univers entier, فلا لأن هذا القرآن نزله الله يعني تبيينا لكل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre avec en guise d'explication de toute chose. Donc c'est pas possible que vous allez trouver dans le Coran des noms ou des attributs dont le sens n'est connu de personne. فلهذا كان السلف كالإمام مالك يقول الاستواء إيش معلوم معلوم المعنى معلوم والكيفية مجهول والإيمان به واجب يعني il a pas dit واجب يعني il a pas dit c'est obligatoire de croire en l'istiwa au mot istiwa sans en délaissant le sens comme ça peut être pris dans cette parole là en vérité la parole de l'imam là elle aurait été sahih s'il aurait rajouté wajaba isbatuhu lafzan wa ma'na wajaba isbatuhu lafzan wa ma'na طيب قد تقول سيدي on doit confirmer ce nom ou cet attribut yani on doit le confirmer tant tant le mot on le confirme que son sens. Mais on vient de dire qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément le sens. Alors comment ça se passe pour eux? Il revient aux gens de science. Mais est-ce que lui, il affirme le sens? Non. Labud. Labud min ithbat al-ma'na. Tu es obligé d'affirmer le sens. Ça veut dire que si toi, tu ne le connais pas, tu affirmes le sens. على مراد من على مراد الله او على مراد رسول الله tu affirmes le sens tu dis voilà selon le sens qu'a voulu Allah azza wa jalla selon le sens qu'a voulu le prophète alayhi salatu wa sallam mais tu es obligé d'affirmer le sens pourquoi parce qu'il y a une secte parmi les sectes d'ahl al-bid'ah qui prétendent que il y a des noms des attributs ou que tous les noms et les attributs, on les affirme comme étant des mots et des noms, mais le sens, on le connaît pas. Cette secte, elle s'appelle Al-Mufawwida. Al-Mufawwida. Al-Mufawwida هم الذين يفوضون المعاني إلى الله. Ce sont ceux qui renvoient les sens des textes à Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire chez eux, il n'y a personne qui sait c'est quoi le sens du mot yad. Yad, عندهم, c'est pas possible que yani, quelqu'un connaisse son sens. Hala ba sahih? Est-ce que c'est sahih? Deux. Que le mot yad, personne ne connaît son sens. Non. C'est pas sahih. Non. Falabud. Labud. من إثبات اللفظ والمعنى. طيب. Ça c'est bien compris ça. Le sens, c'est-à-dire le comment. Là. Non. C'est là. Ya Othman. La définition en fait. طيب نعود. أحسنت. Ça c'est obligé. Ça c'est là. Il faut absolument qu'on sorte de ce daf et tout le monde l'ait compris. Non, parce que j'ai pas compris en quoi la passée s'est prise main. Tu vois ce que tu viens de dire là? Ouais. On sait c'est quoi une main. C'est pour nous, une main c'est ma'loum. Ouais. Maintenant, comment elle est cette main là? Allah a'lam. Ouais, c'est ce que j'ai dit, on connaît pas le comment. Voilà, on connaît pas le comment. Voilà. Ouais. Ah non, j'ai cru que tu me disais qu'on parlait du comment. Non, c'est-à-dire en gros, on sait c'est quoi une main, mais on sait pas c'est quoi le comment. Ouais, on sait, voilà, on sait pas c'est quoi le comment et on cherche pas dans le comment. Okay. Mais on affirme le sens qu'on connaît. Parce que. يعني الله سبحانه وتعالى il a descendu un Coran بلسان عربي مبين en langue arabe pure. Qu'est-ce que ça veut dire al-yad في العربية معلوم. C'est ça qui fait les distinctions après qu'on voit avec certains frères qui du coup ils peuvent avoir entré dans le comment. Ouais, voilà. Ah non. C'est ça, ah ouais, c'est ça qui fait après نعم لكن نحن لا ندخل في الكيفية. On rentre pas dans le comment. Ni dans le fait de comparer. Oh, la main d'Allah, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. Là. On rentre pas dans ça. Ça, c'est معنى قوله تعالى لا يعلمهن إلا الله. Hein? C'est-à-dire, الكيفية لا يعلمها إلا الله. Non. Les مفوضة, c'est ça. Ça, c'est la même chose que les Ahbash. Les Ahbash qui disent. Ouais, ça sont les mêmes trucs. C'est aussi qui disent ça. Que... Peut-être qu'ils ont, ils ont des points communs dans la Aqida. Ouais. Ouais. Parce que oui, on va avec le pied d'Allah, par exemple. Ah. Le pied, on verra. Si Allah il découvrira sa cuisse. Ouais. Lui, ils disent quoi? Non, c'est pas vrai. Non, ils imaginent une cuisse. Ouais. Un pied de table et un pied d'humain, c'est pas pareil. Mais اختلف اهل العلم في معنى. بعضهم قالوا يكشف عن ساق, يعني الساق معلوم, يبقى ديفولي سا جون, تمام. Et d'autres qui disent yukshaf an saq, bimana yukshifu shidda, il fait disparaître la difficulté, la labeur du moment. Tamam? Wa sahih annahu as-saq, yani le sahih c'est que c'est bel et bien la jambe d'Allah Azza wa Jal qui est visée dans le verset. Tamam? Et ça va venir dans le livre, inshallah. Et vous retenez ce qui est le plus important de ce dars là aujourd'hui, c'est de retenir que les sifats d'Allah Azza wa Jal il faut les affirmer, tant leur nom que leur sens. Il faut affirmer tant leur nom que leur sens. Et si toutefois on ne connaît pas le sens, on affirme qu'il y a un sens selon le bon vouloir d'Allah Azza wa Jal, selon ce que veut Allah Azza wa Jal, ou selon ce que veut son prophète. Comme on va le voir, il y a une parole, une très très belle parole de l'imam al-Shafiri. Elle est où cette parole-là? Elle va arriver. Voilà. L'imam al-Shafiri dit, voilà. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. J'ai cru en Allah et en ce qui est venu d'Allah Azza wa Jal. على مراد الله, de la manière dont Allah il a voulu. Tamam? Ça veut dire qu'on affirme l'essence de la manière dont Allah il veut. Tamam? وآمنت برسول الله, et j'ai cru au messager d'Allah. بما جاء عن رسول الله وبما جاء عن رسول الله, et j'ai cru aussi en ce qui est venu du prophète عليه الصلاة والسلام. على مراد رسول الله, يعني dans le but visé par le prophète صلى الله عليه وسلم. تمام. هنا là j'ai une petite annotation de celui qui a fait l'annotation du livre. إذ قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في قول صاحب اللمعة وجب الإيمان به لفظا, أما كلام صاحب اللمعة في هذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة, وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف. دونك المفتي الأنسيان مفتي الشيخ بن باز محمد بن إبراهيم il critique cette parole de l'imam Ibn Qudama et il dit qu'il fait partie des paroles qui ont été fortement critiquées. Naam. إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى. Parce que ce n'est pas une chose cachée que les gens de la Sunna, parmi leurs croyances, le fait d'affirmer ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna comme nom et attribut, que ce soit en affirmant le mot ou le nom, ainsi que son sens. واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز. Et aussi parmi les croyances des gens de la Sunna, que ces noms et attributs sont véritables, sont vrais, et que ce n'est pas une métaphore. Ce ne sont pas des métaphores. وأن لها معان حقيقة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. Et que ces noms et attributs, ils ont bel et bien un sens véritable qui convient à Allah Azza wa Jalla. وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة كما يروى عن مالك ابن أنس لما سئل عن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. Donc là, l'imam, le mufti, il fait comprendre que la totalité des gens de la sunna, ils sont unanimes sur le fait que les noms et les attributs, on affirme le mot, le nom, et on affirme aussi son sens. Mais jamais on laisse l'affirmation du sens. Alors on dit, oui, c'est yani Allah Karim, ou Allah Nadri Ma'na Karim. On ne sait pas c'est quoi le sens du mot Karim. Ou Lillahi Yad, Allah il a une Yad, mais on ne sait pas c'est quoi le sens Yad. On ne sait pas. Tamam? Non. وبعض العلماء بسبب هذه الكلمات بدعوا هذا الإمام الجليل. طيب من بدعه؟ أي شيخ سعيد بن دعاس عليه رحمة الله وقبله عبد الرزاق عفيفي qui fait partie des qui faisait partie des كبار العلماء au temps de Cheikh Ibn Baz. نعم. Oui, dans plusieurs كتب. لكن يعني la plupart des ulama, ils sont de l'avis que ce n'est pas un mubtadi'. Le Cheikh Yahya, radda ala Cheikh Saïd, fi qawlihi, annahu mubtadi', bi'annahu laysa kadhalik. Na'am. Bi'annahu laysa kadhalik. Innama akhta'a. Ah, donc le Sahih, c'est que ce n'est pas un mubtadi', inshallah, mais il s'est juste trompé dans dans son expression. Et ce qui montre aussi qu'il s'est trompé, parce qu'il dit quoi? Il dit ma ashkala min dhalika wajaba ithbatuhu lafdan. Ce qui pose problème dans ces textes, on se doit de confirmer le mot. Et là, il a pas suivi en disant le sens. Mais les mubtadi'a, ils parlent pas de ce qui pose problème. Eux, c'est tout. Tous les sens. T'as compris? Ça montre que l'imam, lui, il n'était pas sur la voie de Haoula al-Mufawwida. Ça va? Et il a d'autres kutub où il montre bien qu'il est sur une aqida salima. Nasallah an yaghfira lahu. Wa yatub alayh. Taïb. Wa Sheikh Mohamed ibn Ibrahim, malgré qu'il a critiqué sa parole, il dit وأما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخبثها. La secte des Mufawwida, ceux qui disent qu'on affirme les paroles sans les sens, elle fait partie des pires des sectes. Pire encore Pire encore que celui qui vient et dit la main d'Allah, elle est comme notre main. On pourrait croire que c'est le contraire. Celui qui vient et dit la main d'Allah, elle est pire. Mais en fait, c'est pire parce que ça va ramener sur la communauté, ça va faire en sorte que des gens ignorants et pervers, ils aient le dessus sur les gens de la communauté. Comment? Parce qu'ils vont venir tout simplement, les philosophes ou ceux qui comparent les attributs d'Allah avec d'autres, ils vont dire, bon, venez ici, vous les moufawwidha. Alors vous affirmez les noms et les attributs sans sens. Ça veut dire que vous n'avez pas la science du sens. Venez, nous, on va vous apprendre c'est quoi le sens. Tamam? Vous avez compris la dangerosité? C'est que eux, ils vont venir et vont dire, bah voilà, vous savez pas, nous on sait. Le sens, c'est que la main, elle est comme ça, le pied, il est comme ça, ou hakel. Tamam? C'est pour ça, sur l'islam, il dit que ça fait partie des pires des sectes. Madhab al-Mufawwadha. Non. Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est la parole de cet imam. Il dit que, donc Mohamed ibn Ibrahim, il dit que cette parole-là de Ibn Qudama, elle peut être utilisée par les gens de Al-Mufawwidha. Tamam? Après, il dit, « وَالْمُصَنِّفْ رَحِمَهُ اللَّهِ إِمَامٌ فِي السُنَّةِ وَالْمُصَنِّفْ رَحِمَهُ اللَّهِ إِمَامٌ فِي السُنَّةِ وَهُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْ مَذْهَبْ الْمُفَوِّضَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. » Donc là, c'est un diffère. Ah oui. Là, c'est Mohamed ibn Ibrahim qui défend le fait d'accuser cet auteur d'être tombé dans l'innovation. Même si sa parole, elle n'est pas juste. Tamam? Ala kulli hal, on continue dans le texte. Qala وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. Donc ce qui nous pose problème, on ne doit pas s'opposer au sens et on renvoie la science du sens de ce verset, on renvoie la science à celui qui l'a dit. Tamam? C'est-à-dire Allah Azza wa Jal. ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. Donc Allah سبحانه وتعالى dans ces versets, le premier verset, il dit والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا من عند ربنا. Donc ceux qui sont bien ancrés dans la science, ils ont dit, nous croyons en cela et cela provient de notre Seigneur. Ça veut dire que eux, ils n'ont pas réfuté quoi que ce soit parmi les textes qui sont venus du Coran et de la Sunna. Ben, ils ont dit, amanna bihi, kullum min indi rabbin. Tous ces textes proviennent d'Allah Azza wa Jal. Qu'il soit clair, wadih, ou qu'ils aient une forme d'ambiguïté. On croit en cela, lafzan wa ma'na. Taïb. Wa qala fi dhammi mubtaghi at-ta'wil. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit en blâmant celui qui recherche les choses, les versets ambigus, qui cherche à suivre les ambiguïtés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé ces gens-là. فَجَعَلَ إِبْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ عَلَامَةً عَلَى الزَّيْرِ. Et il a fait du fait de rechercher les ambiguïtés dans le Coran, un signe, il a fait de cela un signe qui prouve l'égarement de la personne. Chaque fois que tu vas voir une personne qui cherche, qui ne recherche que les ambiguïtés, que les versets ambigus, ou qui prête en ambiguïté, sache que ça, c'est un signe de l'égarement de cette personne. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a cassé le désir de ces gens-là qui recherchaient les choses ambiguës, en disant qu'ils n'arriveront jamais à connaître ces choses-là, ou que personne ne peut connaître ces choses-là en dehors d'Allah. Tamam. On a tafi bi hadha al-qadr fi hadha al-dars.